الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي انشق له القمر وسلم عليه الحجر. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، إن شاء الله تعالىكم ici tous les dimanches entre صلاة المغرب والعشاء. On continue quant à la biographie ou avec la biographie du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Et la semaine dernière, on s'était arrêté où on avait terminé ici la bataille de Badr, Ghazwatu Badr. Donc, on avait parlé de cette bataille, on avait détaillé les événements qui ont eu lieu pendant cette bataille, et on avait rappelé ici que les musulmans étaient de 319, alors que les ennemis, les mécréants de Quraysh, étaient 1000. On avait dit que les musulmans avaient 2 chevaux, d'accord, et les koufars de Quraysh, ils en avaient 100 ou 200 ? 100 ou 200 ? 200 ? 200 ? 100 ? Et on avait dit qu'ils avaient 70 chameaux, le prophète alayhi salatu wassalam, et eux, ils en avaient 700 chameaux. Donc ici, on voit yani, la différence de force qu'il y avait. Lakin, ceci nous rappelle simplement que nous sommes que des causes, et que les causes, comme on le dit et on le répète souvent, n'ont ni d'effet positif ni d'effet négatif sans la permission de celui qui met l'effet dans ses causes, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cette bataille de Badr, alors que les musulmans ont gagné cette bataille de Badr par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ont tué 70 des Quraysh, et parmi eux il y avait la tête des Quraysh, et ils ont pris et ils ont capturé 70 d'entre eux. Parmi les Quraysh, ils en ont capturé 70. La nouvelle est venue au Quraysh, à la Mecque, et ils n'ont pas cru. Comme la nouvelle est partie aussi du côté de Médine, et les hypocrites de Médine, les juifs de Médine, certains associateurs de Médine, ils n'ont pas cru aussi. Ils se sont dit, comment ici l'armée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, alors qu'ils étaient que 319, 2 chevaux et 70 chameaux contre 1000, avec 100 chevaux et 700 chameaux, ils auraient pu gagner. Donc des deux côtés, ils n'ont pas cru. Des deux côtés, ils n'ont pas cru. Jusqu'au moment où l'armée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam est rentrée à Médine, et que l'armée qui a été vaincue, c'est-à-dire des Quraysh, est rentrée où ? Est rentrée à la Mecque. Donc à ce moment-là, ils ont vu avec leurs yeux et leurs propres yeux yani, que les nouvelles qui leur étaient parvenues étaient une réalité. Haqiqa. Donc à ce moment-là, les Quraysh, bien sûr, ils n'en sont pas restés là, et ils ont voulu porter atteinte au prophète alayhi salatu wassalam. Ils n'en sont pas restés là. Et les juifs de Médine, ainsi que les associateurs de Médine, ont reconnu que cette victoire ne pouvait être que par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, comme on le dit et on le répète, ça ne suffit pas de croire en Allah subhanahu wa ta'ala pour être croyant. Ça ne suffit pas d'être croyant en Allah azza wa jal pour s'appeler mu'min. Ici, il faut réunir toutes les conditions pour être un croyant. Donc eux, certainement, ils croyaient en Allah Azza wa Jal, parce que parmi eux, il y avait des juifs. Les juifs croyaient en Dieu. Lakin, ils associaient à Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne reconnaissaient pas le prophète Mohammed alayhi salatu wa salam, etc. Et comme on va le voir dans les détails par la suite, inshallah ta'ala. Donc ils savaient que cette victoire ne pouvait venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les Quraysh, quand ils ont vu ici leurs troupes rentrer, alors qu'ils ont été vaincus par le prophète alayhi salatu wa salam, ils se sont dit, comment on va pouvoir attaquer Mohammed et son armée? Comment on va pouvoir les toucher? Donc en les attaquant, ils ont vaincu. Yani, comment on pourra les toucher? Et ça, c'est une technique qui a été utilisée à leur époque, et ici en général qui peut être utilisée aussi à notre époque, qu'on retrouve souvent à notre époque, c'est le fait d'attaquer de l'intérieur. C'est le fait d'attaquer de l'intérieur. Ils se sont dit, on ne peut pas les attaquer yani, en leur faisant face. Donc ce qu'on va faire, on va les attaquer de l'intérieur. Ça veut dire qu'on va trouver des personnes qui vont déstabiliser leur mini-société islamique à l'intérieur. Et ici, ils avaient de quoi faire. Pourquoi? Parce qu'à Médine, il n'y avait pas que des musulmans. Il y avait des associateurs, il y avait des hypocrites, et il y avait des juifs. Donc il n'y avait pas que des musulmans. Donc eux, ils se sont dit, on va les attaquer de l'intérieur. Diviser pour mieux régner. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit une lettre, ou ils ont envoyé une lettre ou un message aux tribus, aux différentes tribus juives à Médine, en les menaçant de les tuer et d'abuser de leurs femmes si ceci, c'est-à-dire les juifs de Médine, les différentes tribus de Médine, n'attaquent pas Mohammed alayhi salatu wassalam et ne déclarent pas la guerre à Mohammed alayhi salatu wassalam et ne font pas tout ce qui est en leur possible et en leur capacité ou en leur possibilité et en leur capacité pour chasser Mohammed alayhi salatu wassalam de Médine et pour les exterminer. Donc eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les juifs de Médine, ils ont bien sûr trahi le pacte qu'il y avait entre eux et le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Parce qu'on avait dit, quand on a parlé de la venue du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons à Médine, on avait dit que le prophète alayhi salatu wassalam, après avoir mis en place la mosquée, après avoir mis en place cette fraternité entre les musulmans, pour créer cette mini-société islamique, ce groupe fort de croyants, s'aimant en Allah Azza wa Jal, il fallait faire quelque chose de quoi? Des juifs et des non-musulmans qui vivaient avec eux. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète Ali Salatu Wassalam? Il a mis en place des pactes. Ils sont là, il faut vivre avec eux. Et il a mis en place avec eux des pactes. Donc, il leur a imposé de respecter certaines conditions pour que, yani, la vie soit paisible, pour l'un comme pour l'autre, pour le parti des musulmans comme pour leur parti à eux. Donc il a mis des conditions. Et parmi ces conditions-là, il y avait, bien sûr, il y avait les juifs, ils pouvaient vendre, ils pouvaient commercer, ils pouvaient vivre, ils étaient en sécurité. Et ils étaient même protégés par les musulmans. Ils étaient même protégés par les musulmans s'ils recevaient une attaque de l'extérieur. Mais vice-versa, parmi les conditions principales de ce pacte-là, il y avait que si Médine était attaquée, de l'extérieur, les musulmans ainsi que les juifs de Médine devaient défendre Médine. Il y avait ça dans le pacte. Et on sait que parmi les signes et les critères de l'hypocrite, il y a, quand il s'engage, il trahit. Al-Ghadar. Donc ici, on voit que la trahison, wal-iyadu billah, c'est quelque chose de grave en islam. Et on n'a pas droit de trahir un pacte ou un engagement à partir du moment où on s'est engagé. On n'a pas droit, nous musulmans, que cet engagement vise les musulmans ou les non-musulmans. Ou plutôt que cet engagement soit envers les musulmans ou les non-musulmans. On n'a pas droit. Ça fait partie des signes de l'hypocrite, wal-iyadu billah. Et les musulmans, alhamdulillah, et c'est pour ça que ce qui est malheureux, comme on le dit souvent, c'est que quand on est confronté à des journalistes, ou qu'on est confronté, je parle à notre époque, où on est confronté à des personnes qui ne connaissent l'islam, et quand ils répètent ces choses, qui sont bien sûr des choses erronées, qui n'ont rien à voir avec l'islam, que l'islam s'est répandu avec l'épée, que l'islam ne veut pas de cohabitation avec les non-musulmans, il n'a jamais voulu ça, et que les musulmans ont chassé les juifs de Médine, etc. Ce qui nous attriste, c'est que quoi? C'est des personnes ignorantes qui répondent. Parce que si vraiment on connaissait la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, on saurait leur répondre que, concernant al-jihad, le combat, il a été décrété par Allah subhanahu wa ta'ala, et ce type de combat était un combat défensif et pas d'attaque, après qu'il y ait eu des années et des années et des années de persécution, de pillage, de vol contre les musulmans. À ce moment-là, le jihad, la guerre dans le sentier d'Allah azza wa jal, a été légiféré simplement pour se défendre. Simplement pour se défendre, alors qu'ils étaient persécutés et qu'ils devaient patienter. Alors qu'ils se faisaient piller, ils devaient patienter. Ils n'avaient pas droit, yani, de se précipiter comme on l'a vu tout au long de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, dans les premières phases de la vie du prophète alayhi salatu wassalam. C'est qu'après des années que, quand ils allaient être attaqués, la permission leur a été donnée de se défendre. Ça, il faut leur expliquer. Nous, quand le djihad a été décrété par Allah azza wa jalla, c'était pour une défense. L'islam n'a jamais appelé à quoi? Répandre le sang, ou à tuer des hommes et des enfants et des femmes, et vouloir la guerre, et vouloir... c'était un djihad de défense. Et quand on parle du fait que les juifs ont été chassés de Médine, est-ce que c'est vrai ou pas? Bien sûr qu'ils ont été chassés de Médine. Mais quand ils ont été, il faut continuer, il faut aller dans les détails. À partir de quel moment les juifs, quand ils étaient à Médine, ont été chassés de Médine? C'est quand ils ont trahi le pacte. Alors que c'était qui était en position de... C'était les juifs à Médine ou c'était le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam avec les compagnons? C'était le prophète. Mais avec ça, le prophète, il a montré sa justice. Et il rappelle encore à travers ses faits et gestes qu'il n'a été envoyé que comme miséricorde pour l'humanité, comme Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran al-Karim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Nous ne t'avons envoyé que comme miséricorde pour l'ensemble de l'humanité. Il leur a permis de cohabiter avec eux, mais avec des règles. Ça c'est tout à fait normal. Vous cohabitez avec nous, il n'y a pas de problème. Appliquez votre religion. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينَ. لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينَ. On ne peut pas imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Il n'y a pas de contrainte en religion comme Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran al-Karim. Donc ils pouvaient pratiquer leur religion. Ils étaient voisins du prophète alayhi salatu wasalam. Ils vendaient et ils achetaient. Ils vivaient en sécurité. Et avec ça, si un des juifs était attaqué de l'extérieur, eh ben les musulmans les défendaient. Parce que le but c'était quoi? De défendre Médine. Donc s'ils étaient attaqués, on voulait attaquer Médine. Donc ici, les musulmans et les juifs, donc ici, s'alliaient pour défendre Médine. Et si un juif était attaqué d'une façon injuste, les musulmans s'engageaient pour le défendre aussi. Les musulmans s'engageaient pour le défendre s'il était touché d'une injustice. Donc ici, ça c'est la justice et l'équité de l'islam. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il rappelle la gravité, on en a déjà parlé, la gravité de quoi? De rompre un pacte ou un engagement qui a été mis en place entre toi et même un non-musulman. Et on avait parlé des différentes catégories de non-musulmans. Et parmi ces catégories, il y avait Al-Mu'ahad. Al-Mu'ahad, c'est celui avec qui il y a eu un pacte qui a été conclu. C'est-à-dire que, par exemple, un non-musulman vit dans un pays musulman, d'accord, pendant une période, par exemple, déterminée. Et ici, l'État lui permet de rentrer dans ce pays-là. Donc ici, certains savants, comme on avait dit, ils représentent ce pacte-là par un visa. Donc à la Koulihal, à partir du moment où l'État l'a laissé rentrer, donc il y a eu un engagement de sécurité, c'est tout à fait normal. Pourquoi? Parce que sinon c'est de la trahison. Si on l'accueille pour le tuer, c'est de la trahison ou pas? D'accord? Ce n'est pas un jeu l'islam, mais entre guillemets, c'est une métaphore. Donc on voit qu'il y a les règles de jeu qui n'ont pas été respectées. D'accord? Ce n'est pas des règles de jeu, nous l'islam, mais c'est des règles. D'accord? Petite métaphore. Mais il y a des règles, on doit les respecter. C'est des règles qu'on doit respecter. Ici, on l'accueille, ou les musulmans l'accueillent dans un pays musulman. Et tout d'un coup, il y a un musulman qui exporte un problème de l'extérieur, par exemple en Palestine ou autre, et il se dit, bon, moi, je ne peux pas yani, aller défendre mes frères qui sont opprimés, par exemple en Palestine, donc ce que je vais faire, il y a un non-musulman ici, un juif, qui est rentré ici, dans un pays, par exemple, musulman, ou si c'est dans un pays non-musulman, et je vais le tuer pour me venger. Le prophète, alayhi salatu wassalam, dit dans Sahih al-Bukhari, Man qatala mu'ahadan, celui qui tue une personne qui est encadrée par un pacte, d'accord? Donc un engagement qu'il y a eu entre par exemple l'État et lui, par un pacte, lam yarih raihat al-jannah wa inna rihaha la yujadu min masirati 40 ama. Alors que son odeur, il ne sentira pas l'odeur du paradis. Alors que son odeur est perceptible à plus ou à une distance plus éloignée de 40 ans. Ça c'est le prophète qui dit dans Sahih al-Bukhari. Et il y a plusieurs hadiths ou ahadiths qui vont en ce sens. La preuve que quoi? Nous, le musulman, il est juste. Il respecte ses engagements. Contrairement à ce qu'ont fait les juifs à l'époque du prophète alayhi salatu wassalam. Et c'est ce qui a provoqué leur expulsion. Et ça, il faut le préciser. C'est pas oui, ils ont expulsé les juifs de Médine. Et regardez, même maintenant, les non-musulmans n'ont pas le droit de rentrer à Médine et à la Mecque. C'est une vérité. Au jour d'aujourd'hui, na'am, c'est des terres sacrées, d'accord? Ça fait partie de sharia, de la législation islamique, mais à la base, qui a provoqué leur expulsion? C'est eux, de leurs propres mains. C'est eux qui ont rompu les pactes qui avaient été conclus avec le prophète, alayhi salatu wassalam. Il y avait plusieurs tribus chez les juifs. Et on va voir quelle est la tribu et la première tribu qui a rompu ce pacte. Il y avait la tribu de Beynou Qaynuqa, d'accord? Donc il y avait les Bani Qaynuqa. Ça c'était une des tribus la plus connue, à Médine. D'accord? Les Bani Qaynuqa ou les Banu Qa. Il y avait les Banu Nadir ou Nadir, d'accord? Et il y avait la troisième tribu, les Banu Qurayza. Ça c'est les trois tribus qu'il y avait à Médine. Et la première tribu à Médine, parmi les trois tribus juives qui a rompu ou qui n'a pas respecté les pactes et les engagements, c'est Banu Qaynuqa. D'accord ? Cette tribu-là n'a pas respecté l'engagement et c'est la première tribu des trois tribus juives qui n'a pas respecté, yani, l'engagement. Et ici, il est rapporté dans un hadith de Abi Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Ce hadith il a été authentifié par Cheikh Al-Albani, rahimahullah ta'ala, selon Abdurrahman ibn Ka'am, qui raconte, yani, d'un compagnon. Donc, il a pris ces informations d'un compagnon. Un compagnon lui a, yani, informé. Que le prophète, du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, il dit, les Mekouas ont été, ou plutôt ont envoyé un message ou une lettre. Les Mekouas ont envoyé un message ou une lettre, yani, aux Juifs de Médine. Et ils leur ont dit, vous avez des armes, vous êtes armés, vous avez des forteresses, et si vous ne tuez pas Mohammed, alayhi salatu wassalam, nous ferons de vous ceci et ceci. Donc, en portant des menaces contre eux et en disant, et on abusera comme on veut de vos femmes. Et on abusera comme on veut de vos femmes. Après la lettre, ils se sont réunis, les Juifs. Et ils se sont mis d'accord, pourquoi ? Pour ainsi déclarer la guerre à Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est-à-dire rompre le pacte ici qu'il y avait entre eux et Mohammed alayhi salatu wassalam. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ici, il y avait les Banu Qaynuqa qui étaient réputés pour être de grands commerçants, des bijoutiers, des forgerons, des artisans. Yani, ils étaient très connus quant au commerce, comme au jour d'aujourd'hui. Et ils avaient un marché, il y avait un grand marché très réputé, très célèbre, qui s'appelait le marché de Banu Qaynuqa. Il y avait un marché comme ça. Et qu'est-ce qu'ils faisaient ? Il est rapporté qu'ils commençaient à humilier, se moquer, provoquer les musulmans, petit à petit. Ils ont commencé à les provoquer, les humilier, etc. Et ici, ils étaient à peu près 700 combattants. Et ici, il y avait un texte, lakin il est da'if, et on l'entend souvent, lakin je vous le cite, parce que certains historiens le rapportent. Ça, ils ont commencé, et ce qui est sûr, c'est qu'ils ont commencé à provoquer les musulmans, et principalement dans ce marché. Donc, dès qu'ils voyaient les musulmans, ils riaient d'eux, etc., etc. Il y a un texte qui revient souvent, mais il est faible, d'accord ? Chez certains savants, ils l'ont jugé bon, mais beaucoup de savants ont jugé ce hadith faible. « Ala kulli hal », c'est le hadith concernant la femme qui était au marché, la femme musulmane qui était au marché. Et il raconte certains historiens, hein, Al-Siyar, une femme avait apporté ses bijoux au marché de Banu Qaynuqa et s'assit près d'un bijoutier, donc une femme musulmane. Des juifs l'entourèrent et voulurent qu'elle se dévoilât le visage. Elle refusa. Elle était assise quand le bijoutier juif prit à son tissu, d'accord, ou plutôt à son insu, le pan arrière de son vêtement et lui colla au dos, si bien qu'en se levant, le bas du vêtement fixé au niveau de ses épaules ne couvrait plus son derrière. Donc voilà ce qu'il lui a fait, ce juif-là. Donc quand elle s'est mise assise, donc il a accroché, entre guillemets, le bas de son djilbet au haut, comme ça quand elle se lève, yani, ça dévoile, yani, la aura, la nudité de cette femme-là. Et les juifs riaient de cette femme-là, tandis que la femme se mit à crier après que s'est dévoilée, yani, les parties qui devaient être cachées. C'est alors qu'un musulman sauta sur le bijoutier et le tua, et les juifs à leur tour attaquèrent le musulman et le tuèrent. Et l'incident déclencha la guerre entre les musulmans et les Banu Qaynuqa, et ceci eut lieu yani, à la Mishawel de l'an 2 de l'Hégire. Donc on est toujours à l'an 2 de l'Hégire, d'accord ? On est toujours à l'an 2 de l'Hégire. Donc on voit que ces événements sont venus directement dans la même année après ici avoir gagné la bataille de Badr, Ghazwatu Badr, d'accord ? Donc ici c'est un récit faible, ala kulli hal, on le mentionne quand même parce que beaucoup d'historiens le mentionnent. Certains disent que c'est ça qui a provoqué les hostilités. Ala kulli hal, ce qui est sûr c'est que quoi ? Après qu'il y ait humiliation, même si on considère ce hadith comme bon ou authentique, yani, ceci fait partie des humiliations qu'ils auraient pu apporter envers les musulmans. Après qu'ils aient humilié et provoqué les musulmans, d'accord ? Le prophète alayhi salatu wassalam, regardez la justice et l'équité du prophète alayhi salatu wassalam, il a quand même décidé de leur parler. Il a quand même décidé de leur parler. À quel moment il a décidé de leur parler ? Quand les limites ont été dépassées. À quel moment les limites ont été dépassées ? C'est pas simplement quand ils ont commencé à rire des musulmans, quand ils ont commencé à prendre en moquerie ce que faisaient les musulmans dans leur marché, etc. Mais c'est au moment où ils ont commencé à créer la discorde entre les musulmans. Là, il y a un problème. Diviser pour mieux régner. On avait dit qu'il y avait deux tribus importantes à Médine. Et ces deux tribus étaient les Aous et les Khazraj. Ces deux tribus-là, ici, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux tribus-là? Avant la venue du prophète alayhi salatu wassalam à Médine, il y avait d'énormes conflits entre eux, jusqu'à ce qu'il y ait eu plusieurs morts entre eux. Et on avait dit que ces conflits avaient été provoqués par qui? Par les juifs à Médine, divisés pour mieux régner. Mais après, alhamdulillah, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Donc on voit que leur ruse s'est retournée contre eux. Et ça c'est une règle, qa'ida, c'est une règle. À partir du moment où, comme je le dis souvent, tu as le haqq avec toi, la vérité avec toi, et tu crains ton Seigneur tabaraka wa ta'ala, et tu patientes, même si tout le monde, ou yani la majorité des gens, sont contre toi, et essaient de ruser contre toi, leur ruse va se retourner contre eux. Là, la ruse qu'ils ont mis en place pour diviser entre les Arabes à Médine s'est retournée contre eux. Pourquoi? Parce que ça a été la cause qu'ils ont été demandés de l'aide à qui? Au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et là de nouveau, ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer la discorde entre qui? Il y a né deux tribus qui avaient des relations sensibles à l'époque. Donc les Aous et les Khazraj. Et ils ont commencé à allumer, entre guillemets, les mèches entre eux encore. Jusqu'à ce que ça a provoqué de la discorde entre eux. Et quand il y a eu une grande querelle entre des gens de Al-Aous et des gens de Al-Khazraj, le prophète alayhi salatu wassalam, il est sorti et il leur a dit, faites-vous appel encore à ce que faisaient les gens de Al-Jahiliya, du paganisme, alors que je suis présent dans vos rangs ou présent auprès de vous. Et il dit, quelle mauvaise chose, quelle mauvaise chose. Et ensuite le prophète alayhi salatu wassalam, quand il a su qu'à la base de ces conflits-là, il y avait Al-Yahoud, les juifs, donc Banu Israël, les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti les voir et il les a réunis dans leur souq de Qaynuqa, leur marché de Qaynuqa. Et ce récit rapporté par Abu Daoud, selon Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, qui dit, le prophète alayhi salatu wassalam a réuni les juifs des Banu Qaynuqa dans le marché. Et il alayhi salatu wassalam leur a dit, ô vous les juifs, prenez garde qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne vous punisse pas comme il a puni Quraysh. Prenez garde qu'Allah azza wa jal ne vous punisse pas comme il a puni Quraysh. Soumettez-vous à Allah azza wa jal, rentrez dans l'islam car vous savez que je suis un prophète. Et ceci est dans vos livres. Parce que on sait très bien que Allah Azza wa Jal a prévenu Banu Israël dans At-Tawrah de la venue d'un prophète sous le nom de Ahmed, le loué. Et eux, Al-Yahoud, au jour d'aujourd'hui, ils attendent toujours un prophète. Ils attendent toujours un prophète. Mais le prophète qu'ils attendaient, c'était Muhammad alayhi salatu wassalam. Mais quand ils ont vu le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, ils attendaient sa venue. Et il a été décrit dans la Torah, dans la Torah. Et quand ils ont vu qu'il faisait partie des Arabes, ici, ils ne l'ont pas accepté. Et c'est pour ça qu'au jour d'aujourd'hui, les Juifs, ils disent, on attend toujours un prophète. En fait, c'était le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, mais ils n'ont pas voulu le reconnaître en tant que prophète parce qu'il est descendu et chez les Arabes et il était arabe. Et ils ont dit, Al-Yahoud, après que le prophète, alayhi salatu wassalam, les ait exhortés, et les a mis en garde d'un châtiment venant de la part d'Allah Azza wa Jal. Et il les a invités à embrasser l'islam, alors que quoi? Alors qu'ils avaient rompu le pacte. Donc non seulement on dit, les juifs à Médine ont été chassés de Médine, pas quand ils ont rompu leur pacte, mais quand ils ont rompu les engagements, et après qu'ils ont refusé l'exhortation du prophète alayhi salatu wassalam, et qu'ils ont continué à provoquer le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils ont menacé le prophète de l'attaquer ainsi que les musulmans. Subhanallah. Est-ce que quelqu'un va ne pas reconnaître ici que les musulmans étaient en droit de se défendre à ce moment-là et de les chasser de Médine? Personne ne pourra dire ça. Donc ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Al-Yahoud, ils ont continué à menacer le prophète alayhi salatu wassalam. Et ils leur ont dit, penses-tu que nous, on est comme ton peuple, c'est-à-dire Quraysh? D'accord? Parce que le prophète alayhi salam fait partie de Quraysh. D'accord? Ils ont dit, penses-tu que nous, on est comme ton peuple, on fait partie de ton peuple. Nous, on est préparés à la guerre. Nous, on connaît mieux la guerre que eux. Eux, ils ne sont pas préparés à la guerre comme nous. Et nous, on est des hommes. Et on te montrera qu'on est des hommes. Donc, ils provoquent le prophète, alayhi salatu wassalam. Et Allah, azza wa jal, il a parlé de cet événement dans le Coran al-Karim, quand il dit, قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة. Donc Allah Azza wa Jal, il parle de quoi? Il parle de la rencontre qu'il y a eu entre eux, les musulmans et les associateurs pendant la bataille de Badr. Et ça, c'est une exhortation pour Al-Yahoud qui ont oublié ici que Allah Azza wa Jal a secouru les musulmans alors qu'ils n'étaient que 319 et eux les autres étaient 1000 avec 700 chameaux et 100 chevaux. Donc il dit dans le Coran Al-Karim, dit à ceux qui ne croient pas. Donc il parle de qui? Il parle de l'Yahoud qui ont provoqué le prophète alayhi salatu wasalam. Allah Azza wa Jal s'adresse au prophète et il leur dit, dis-toi Muhammad, à ceux qui ne croient pas, donc à ces juifs qui veulent déclarer la guerre à toi et aux compagnons, il leur dit, dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt et vous serez rassemblés vers l'enfer et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. Donc c'était déjà un signe pour vous. Mais regardez, Al-Yahoud, ils ne cessèrent de refuser et de tourner le dos au signe. À l'époque de Moussa alayhi salam déjà, il suffit qu'on lise sourate Al-Baqarah et ils ne cessèrent de tourner le dos au signe. Et Allah Azza wa Jalla, qu'est-ce qu'il leur dit? Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah et l'autre était mécréante. Ces derniers voyaient les croyants de leurs propres yeux deux fois plus nombreux qu'eux-mêmes. Or Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. Donc ça c'est un signe pour les Yahoud. Et les juifs, ils ont persisté, et donc principalement Banu Qaynuqa, et ils avaient rejeté, ils avaient été rejetés ici avant de Shem. Avant qu'ils atterrissent à Médine, les Yahoud, ils avaient été rejetés de Shem par Ar-Rum. Et quand ils ont été rejetés de Shem, ils ont atterri à Médine. Et quand ils sont atterrés à Médine, ils attendaient la venue de ce prophète qui était décrit dans la Torah. Et quand le prophète est venu et qu'ils ont vu que c'était un arabe, ils ont renié le prophète alayhi salatu wassalam. Et ici, le prophète alayhi salatu wassalam, quand ils n'ont pas voulu écouter ou prêter attention à cette exhortation, il leur a déclaré la guerre. Et il les a assiégés pendant une quinzaine de jours. Donc ils ont été chassés du Shem. Et ici, ils ont atterri à Médine. Après, le prophète alayhi salatu wassalam les a assiégés pendant une quinzaine de jours. Il les a tous capturés. Et à ce moment-là, il a voulu tous les tuer. Mais ici, il y a une personne qui est venue et qui faisait partie de la tête des munafiqin. Et cette personne-là a souhaité, que le prophète alayhi salatu wassalam ne les tue pas. Et cette personne-là, c'était Abdullah ibn Ubay, qui était à la tête des hypocrites. Pourquoi il a refusé que le prophète les tue? Parce que c'était un allié des juifs, avant déjà la venue du prophète alayhi salatu wassalam à Médine. Et il avait ses intérêts avec les juifs. Pourquoi? Parce que c'était un hypocrite. Et il a supplié le prophète alayhi salatu wassalam de ne pas les tuer, alors que le prophète voulait tous les tuer. Et donc le prophète, il a accepté. Il leur a dit, mais une condition. Tu les prends et ils quittent Médine, ou bien tu leur dis de quitter Médine. Ils ont une interdiction totale et formelle de rester à Médine et rester dans les alentours de Médine aussi. Donc ils doivent quitter. Donc le prophète alayhi salatu wassalam, est-ce qu'il voulait simplement répandre le sang? Est-ce que c'était un haineux, wal'iyadu billah, ou quelqu'un qui n'avait pas de compassion et ici de miséricorde? Il aurait bien pu les tuer avec toutes les provocations qu'il y a eu. Il leur a dit, il a accepté. Il a dit, mais par contre, une clause. Donc ils partent de Médine et ils sont repartis vers le Shem, vers la Syrie et autres. Et de là, quand ils sont repartis vers là-bas, la Syrie et autres, ils se sont un peu dispersés jusqu'à ce qu'il n'en reste presque plus. Alors qu'ils vivaient en tranquillité à Médine. Donc voilà comment on doit expliquer l'expulsion des Juifs de Médine. Donc ce n'est pas en disant simplement qu'ils ont été expulsés de Médine, donc regardez, les musulmans, ils n'ont pas le droit de cohabiter avec les non-musulmans, etc. Bien au contraire, les musulmans ont toujours cohabité avec les musulmans. Les non-musulmans avec les musulmans. Lakin, simplement, à partir du moment où ils ont rompu les engagements, ils ont déclaré la guerre et ils voulaient attaquer les musulmans, à ce moment-là, ils avaient été chassés de Médine. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, après qu'il les ait expulsés de Médine, donc ici, il a continué à appeler à Allah, azza wa jal, et à fortifier, la communauté à Médine. Et ici, les Quraysh ne sont pas arrêtés là, ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils ont dit, toujours dans la même année, la deuxième année de l'Hégire, ils étaient en train de comploter pour attaquer encore le prophète alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que ça restait quand même Médine, un endroit stratégique pour le commerce. D'accord? Un endroit stratégique pour le commerce. Et ils savaient très bien que les caravanes, yani, qui leur rapportaient de l'argent, donc ici passaient par près de Médine. Donc eux, ils savaient très bien que tant qu'ils n'étaient pas en sécurité, ici, par rapport à yani, ce qui se passait à Médine, donc ici, ils n'étaient pas tranquilles. Donc ils se sont dit, on ne va pas s'arrêter là. On les a attaqués directement, ils ont gagné. On les a attaqués de l'intérieur, ils ont gagné. Mais là, on va continuer, bien sûr, à les attaquer. Et ici, vous verrez, ça, ça sera dans le prochain cours, Inch'Allah Ta'ala, vous verrez les causes qui ont provoqué la deuxième grande guerre, si on veut. D'accord, il y a eu la guerre qui est connue de Banu Qaynuqa', laquelle la deuxième grande guerre, c'est la guerre de Uhud, la bataille de Uhud. D'accord? Et cette bataille fut, ou a eu lieu, l'année 3 de l'Hégire. L'année 3 de l'Hégire. Il y a eu la grande bataille de Uhud. Et de grandes morales à prendre concernant cette bataille-là. Ala kulli hal, ici, ils sont partis de Médine. Donc il n'y avait plus de juifs ici à Médine. Le prophète, alayhi salatu wassalam, cette même année, il y a eu comme événement son mariage avec Hafsa. Il y a eu comme événement son mariage avec Hafsa, la fille de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu ta'ala anhu. Ici, ça c'était concernant la bataille de Banu Qaynuqa'. Donc la troisième bataille, ou la deuxième grande bataille importante, la bataille de Uhud, on en parlera la semaine prochaine, inshallah ta'ala. Simplement, je cite un événement qu'il y a eu important, ou qui a eu important, il y a eu pendant cette deuxième année de l'Hégire aussi, il y a eu cet événement après la bataille de Badr, d'accord, c'était le mariage du prophète, alayhi salatu wassalam, avec Hafsa bint Omar. D'accord? Donc retenez tout au fur et à mesure de cette biographie des noms importants comme ça et ces grands événements. Donc le prophète alayhi salam s'est marié avec Hafsa. Comment ça s'est passé ce mariage? Donc c'est un hadith très connu dans le Bukhari où Omar radiallahu anhu wa arda raconte. Et il dit, après que sa propre fille Hafsa s'est retrouvée veuve parce qu'elle était mariée avec un compagnon. C'était un compagnon, son mari. Mais il est mort à Médine, donc elle s'est retrouvée veuve. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, a voulu marier sa fille. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti proposer sa propre fille à plusieurs personnes. Et bien sûr, il a choisi les élites. Et parmi ces élites, il y a bien sûr Abu Bakr et Uthman. Il a été voir Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu arda. Et lui a dit à Uthman, je te propose ma fille. Il a dit, je te propose ma fille. Donc est-ce qu'il y a une honte ici que le père se déplace et va voir directement un homme pieux et vertueux et lui dit, je te propose ma fille? Parmi les personnes, ou plutôt Omar ibn al-Khattab, qui fait partie des meilleures créatures sur la surface de la terre après les envoyés et les prophètes, l'a fait. Il a pris sa fille et il n'a pas dit, j'attends que les gens viennent. Hein, et je vais mettre la barre haute. Ma fille est vertueuse, donc je monte les enchères. C'est comme si on vendait de la marchandise maintenant, du bétail. Les dots, ils sont devenus, c'est comme si c'était du bétail qu'on vendait. Donc Omar ibn al-Khattab lui-même est parti voir les personnes qui étaient droites, qui étaient vertueuses, les élites. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que, ici, le meilleur pour sa fille, c'est qu'elle se marie avec un homme vertueux, avec un homme pieux. C'est qu'elle se marie avec un homme pieux. Et comme disaient certains salafs, marie ton épouse avec un vertueux. Pourquoi? S'il l'aime, il va l'honorer. Et s'il ne l'aime pas, c'est possible. Un homme, il n'aime pas sa femme. Il n'a pas de sentiment, c'est-à-dire il n'est pas amoureux de sa femme. C'est possible ou pas? Ça existe. Lakin, qu'est-ce qu'il a dit? Et Allahu a'lam. Hein, je pense que c'est Hassan al-Basri, rahmallahu ta'ala. Lakin, ahadu min as-salaf. Ça c'est sûr, mais je pense que c'est Hassan al-Basri. Je vous confirme la semaine prochaine. Il dit, tandis que s'il ne l'aime pas, il va quoi? Il va la respecter. Il va toujours lui donner al-huquq, les droits de la femme. Il va toujours la vêtir, il va toujours la nourrir, il va toujours la loger, il va toujours se comporter convenablement avec elle. Il va pas la frapper, il va pas, yani, il va toujours, au moins minimum, il va la respecter. Lakin s'il aime, il va bien sûr l'honorer. Donc regardez, le bienfait de marier sa fille avec quelqu'un de vertueux qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc dans tous les cas, il va respecter les droits qu'a cette femme-là envers lui. D'accord ? Et c'est ce que doivent comprendre les musulmans et les musulmanes au jour d'aujourd'hui. D'accord ? C'est que l'homme doit tout faire pour marier sa fille à un homme vertueux. Le frère doit tout faire pour marier sa sœur à un homme vertueux. Et vice-versa. Le père doit tout faire pour marier sa fille à un homme vertueux, etc. Yanné, nous, ce qui nous importe, c'est la vertu. C'est pas l'argent, c'est pas yanné, le rang social, ce n'est pas s'il a une belle voiture ou pas, s'il est vertueux. Et ce qui est recommandé en islam, c'est de faire quoi? Quelqu'un vient demander ta fille en mariage. Qu'est-ce que tu fais? Salam alaikum, Gless. Qu'est-ce que tu fais comme travail? T'as quoi comme voiture? C'est quoi ton salaire? T'habites où? C'est ça? Pas de problème. Ça, si tu regardes si la personne travaille, si la personne est responsable, si la personne cherche son risque, il fait les causes pour avoir son risque, ça c'est demandé. Mais ça, c'est pas ce qui vient en premier plan ou en premier lieu. Premier lieu, c'est quoi? Tu fais tes prières où, ya akhi? Tu pries, d'accord. Où? Il faut des preuves. Quelle mosquée? D'accord. C'est qui l'imam dans la mosquée? Un tel. Barakallah, fais pas de problème. Quand tu as eu le rendez-vous avec ce frère-là, tu vas vérifier, tu vas voir l'imam. Tu connais un tel, il vient à la mosquée. Salat al-Fajr. Il vient à la mosquée. Salat al-Dhuhr. Il vient. Salat al-Isha. Il vient. Les prières les plus dures pour l'hypocrite, c'est quoi? Salatul Fajr wa Salatul Isha. Les prières les plus lourdes pour l'hypocrite, Salatul Fajr, Salatul Isha. Donc renseigne-toi, le Fajr, il est où? L'Isha, il est où? Ça, c'est ce que doit faire le tuteur, le responsable, la personne qui est consciente de cette lourde responsabilité qui est le fait de donner sa fille en mariage, etc. Donc, ici, ça c'est quelque chose que yani, on doit yani, prendre en compte et on ne doit pas faire devancer les choses de dunya. Tout en sachant que ça c'est des choses importantes. On ne va pas donner notre fille à quelqu'un qui reste dormir jusqu'à 2h de l'après-midi et qui dit « Ouais, moi je tawakkal ala Allah. Subhanallah, comment tu vas nourrir ma fille ?» Après tu vas aller mendier aux gens. « Eh ben, tu travailles, après tu es responsable, tu es débrouillard, masha'Allah, tu es intelligent, khlas, tu es pieux, tu es dans la religion, du moins tu fais tes prières à la mosquée. » Yani, nous on ne juge pas les intentions comme dit Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu arda. Il disait à l'époque du prophète, on pouvait, ou le prophète pouvait juger les intentions parce qu'il parlait avec révélation. Là, qui nous, au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de wahi. Donc on juge quoi? Al-a'mal, les actions. Donc si toi tu me dis, moi je suis pieux, j'ai une bonne intention, etc., là, qui ne tu pries pas? Je vais dire, ouais, mais non, je ne dois pas le juger. Moi je juge les actions. Si tu ne viens pas à la mosquée, tu ne fais pas ta prière ou t'es pieux, toi? C'est avec la langue. Donc ici, on doit se renseigner quant à ses actions et quant à son comportement. C'est pour ça que le prophète alayhi salam a dit, si quelqu'un vient avec la religion et un bon comportement, fazawwijuh, mariez-le. Mariez-le, le prophète il a ordonné. D'accord? Et le prophète il dit dans un hadith vice versa, tunkahul mar'a li arba. La femme est épousée pour quatre choses. Et le prophète il a dit quoi? Pour sa beauté, ou bien pour son rang social, ou bien pour son argent, ou bien pour sa religion. Fadfar bidati din taribat yadak. Choisis celle qui a la religion, sinon, expression, c'est une expression en langue arabe, tes mains seront couvertes de poussière. Certains savants disent, c'est-à-dire la pauvreté va te toucher, à la kulihal, c'est-à-dire tu vas le regretter. Tu vas le regretter. Si tu choisis ou tu fais devancer un de ces quatre critères ou de ces trois critères avant la religion, c'est-à-dire la beauté, le rang social ou l'argent, avant la religion, dans tous les cas, tu vas regretter. C'est le prophète qui l'a dit. 14 siècles, il l'a dit. Et quand les gens pleurent après qu'ils se soient mariés, ils pleurent. Mais problème sur problème, quand tu reviens à la source, est-ce que tu as choisi vraiment la piété? C'est clair. Donc après, ne te plains pas. Après, ne te plains pas. Si tu obéis au prophète, alayhi salatu wassalam, ne t'inquiète pas, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, tout se passera bien. Si tu désobéis au prophète, alayhi salatu wassalam, tu t'es détourné du rappel d'Allah, azza wa jal, sache que tu vivras une vie pleine de gênes. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Et celui qui se détourne de mon rappel vivra une vie plein de gêne. Il trouvera la gêne dans sa santé. Il trouvera la gêne dans son argent. Il trouvera la gêne dans sa famille. Il trouvera la gêne dans toute chose. Il trouvera la gêne dans toute chose. À partir du moment où tu te détournes du rappel d'Allah Azza wa Jal. Et le rappel d'Allah Azza wa Jal, c'est général. À partir du moment où tu te détournes des commandements d'Allah et du prophète, parce que le prophète parle avec révélation et Allah a ordonné d'obéir au prophète alayhi salatu wassalam, c'est que tu t'es détourné du rappel d'Allah azza wa jalla. Tu vivras une vie pleine de gêne. Donc si tu n'écoutes pas le prophète, ne te plains pas si tu vis une vie pleine de gêne. Donc ça c'est très important. Le prophète alayhi salatu wassalam, il a enjoint et il a donné ses recommandations qui sont en or et on doit prendre ses recommandations. Omar ibn al-Khattab est parti voir des personnes qui étaient intègres. Il est parti voir Uthman ibn Affan, radiyallahu anhu arda, et Abu Bakr. D'abord, il a été voir Uthman ibn Affan. Il a dit à Uthman, je te marie ma fille. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu acceptes de prendre ma fille pour Yanné comme épouse? Uthman ibn Affan, il a dit quoi? Il a dit, laisse-moi réfléchir. Il a dit, laisse-moi réfléchir. Omar, il a eu mal ou pas? C'est normal. Ensuite, il est parti voir Abu Bakr. D'accord? Après que Uthman lui ait dit, je ne veux pas me marier pour l'instant. Pour l'instant, je ne veux pas me marier. Il est parti voir Abu Bakr, radiyallahu anhu arda. Il a dit à Abu Bakr, moi je te donne ma fille, si tu acceptes de te marier avec ma fille. Il a dit, si tu acceptes, khlas. Abu Bakr, il ne lui a même pas répondu. Abu Bakr ne lui a même pas répondu. Après une période, il est parti voir qui? C'est le prophète lui-même qui est venu le voir. C'est pas lui, c'est le prophète qui est venu le voir. Et il a demandé la main de sa fille, de Hafsa. Regardez, subhanallah, Abu Bakr, Omar, il a eu une bonne intention, il est parti voir des élites, Allah Azza wa Jalla lui a donné encore mieux, la meilleure des créatures, Sayyidul Rijal, Muhammad ibn Abdillah, alayhi salatu wassalam, prophète Muhammad, alayhi salatu wassalam. Et bien sûr, ici le prophète a tout de suite accepté. Dans le hadith rapporté par le Bukhari. Et ensuite, Abu Bakr et Uthman, ou plutôt Abu Bakr, radiyallahu anhu arda, est parti voir Omar ibn al-Khattab. Regardez, il l'a pas laissé comme ça. Il a dit, tu as sûrement eu mal, parce que je t'ai pas donné de réponse. Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu arda, il lui a montré que, bien sûr qu'il a eu mal. Et bien plus que le mal qu'il a éprouvé envers qui? Envers Uthman ibn Affan. Parce que Uthman lui a répondu. Il a dit, pour l'instant, je ne veux pas me marier. D'accord? Et ça, c'est l'adab dans la réponse. Si toi, par exemple, une sœur, d'accord? Ou bien une sœur reçoit une demande, ou bien un frère reçoit une demande, et que le frère, yani, il ne veut pas faire mal à la sœur, yani, ou la sœur ne veut pas faire de mal au frère, elle peut dire, pour l'instant, je préfère pas me marier ou je veux pas me marier. Elle met l'intention avec toi, sans lui dire. D'accord? Pour éviter de faire mal. Uthman ibn Affan a dit, pour l'instant, je veux pas me marier. D'accord? C'est pas être cru. Non, moi je veux pas me marier avec elle. Oh, lui, je veux pas de lui. Subhanallah. Toi, tu, yani, uses de quoi? De sagesse et de bonté envers la personne qui est venue demander ta main. C'est la moindre des choses. Abu Bakr, il lui a dit, il lui a rien dit. Et Abu Bakr, il l'a informé. Il lui a dit, écoute, il a dit, le prophète alayhi salatu wassalam a déjà cité et fait des allusions quant à ta fille. Et moi je ne voulais pas, écoutez bien, il a dit, moi je ne voulais pas m'interposer quant à ce peut-être ou ce probable, ou plutôt ce futur mariage. D'accord? Qui probablement devait avoir yani, lieu. Donc ici il a dit, le prophète nous a fait des insinuations, donc moi je me suis dit, bon, on va laisser ça en suspens. C'est juste des insinuations. En fait, il a parlé d'elle. Il n'a pas dit, je vais me marier avec elle. Il a fait des insinuations. Et il a dit, wallahi, si le prophète alayhi salatu wassalam n'aurait pas pris ta fille, wallahi, je me serais marié avec elle. Donc regardez, pour qu'elle taille, pour qu'il se repose. Donc ici, Abu Bakr voulait bien sûr de la fille de Omar ibn al-Khattab. Mais parce que le prophète alayhi salatu wassalam avait fait des insinuations, donc ils ont laissé la voix au prophète alayhi salatu wassalam. Nous maintenant, aujourd'hui, on entend quoi? Des frères carrément qui demandent la main de sœur, et d'autres frères qui viennent et qui redemandent la main alors qu'ils sont au courant de cette sœur-là par-dessus. Ça, c'est autorisé ou pas? Ça, c'est interdit. Comme le prophète, alayhi salatu wassalam, il a interdit dans le même hadith qu'une personne fasse une vente sur la vente de son frère. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit dans un hadith rapporté par Muslim, « La yabi' ba'dukum ala bay'i ba'd. » D'accord? Le prophète, alayhi salatu wassalam, il dit que personne d'entre vous ne surenchère ou ne fasse une vente sur la vente de son frère. وَلَا يَخْطُبْ بَعْدُكُمْ عَلَى خِطْبَةِ بَعْدُ. Et que personne ne demande la main d'une épouse, ou d'une femme plutôt, afwan, sur la demande d'une autre personne. Dans le hadith rapporté par Muslim. Ça c'est général. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il a parlé de deux choses. At-tijara et an-nikah. Le commerce et le mariage. Et il a parlé du même sens. D'accord? C'est-à-dire de quoi? De devancer ton frère injustement. De doubler ton frère injustement. D'accord? Tout en ayant connaissance. Et il parle de at-tijara et de an-nikah. Parce que quoi? C'est deux choses différentes. mais ce qui est voulu est la même chose dans la parole du prophète alayhi salatu wassalam. Et si le prophète met l'accent sur ces deux choses là, d'accord, al-nikah et al-tijara, c'est qu'il sait que c'est des choses qui sont répandues, le commerce et le mariage. Et que si le frère demande la main d'une femme alors qu'il sait que son frère a déjà demandé la main de cette femme, ça peut provoquer d'énormes conflits. Et si le frère vend, ou plutôt fait yani une vente ou un achat sur le dos de son frère alors que son frère s'était déjà engagé, ça peut créer d'énormes conflits. Et ça, comme on le dit, al-amru lil wujub, l'ordre indique l'obligatoire, et an-nahy, l'interdiction, indique at-tahrim, d'accord, le caractère illicite de la chose. D'accord ? Et là, le prophète, il l'a interdit formellement. Donc, c'est interdit. Tu n'as pas droit. Si tu fais ça, tu es athim, wal'iyadhu billah. Tu as désobéi au prophète, alayhi salatu wassalam, et tu as porté atteinte à ton frère, wal'iyadhu billah, et sûrement qu'il n'y aura aucune bénédiction, que ce soit dans ton commerce ou dans ton mariage. Que ce soit dans ton commerce ou dans ton mariage. Il y a un frère qui vient et qui dit, moi, il s'arrange avec un Français, un Arabe, un Juif, un chrétien, un musulman, un non-musulman, n'importe qui. Je t'achète cette voiture où on se met d'accord. Bon, d'accord, je te la réserve. Il y a un autre qui vient. Lui, le premier s'appelle Abdallah, le deuxième s'appelle Abdurrahman. Masha'Allah. Et il vient et lui dit quoi? Combien t'as demandé? 1000 euros? Moi, je te donne 1300 euros. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas de tawakkul ala Allah azza wa jal. Ça, c'est quelqu'un qui a un comportement de quoi? D'animaux. C'est comme les hayawan. Vous avez vu la loi de la jungle? Il n'a pas de limite, il n'a pas de règles, il a rien. Il n'a pas de mode d'emploi concernant comment tu dois vivre. C'est un animal. Comment ça, ton frère, il s'est engagé avec une personne. Toi, tu viens, je te rajoute 300 euros pour prendre. Et il désobéit au prophète, et il crée la discorde entre lui et son frère, et il porte atteinte à son frère, et il touche son frère d'une injustice, etc. Subhanallah. Ça, c'est quoi ça? Et c'est des comportements qui sont répandus chez les musulmans. Et c'est ce qu'on retrouve au jour d'aujourd'hui, même à notre époque, chez les musulmans. Des gens qui ne se parlent pas pendant des années à cause de quoi? 100 euros ou 200 euros. 100 euros ou 200 euros. Il y a 14 siècles, le prophète, il a interdit. Que ce soit concernant al-nikah ou que ce soit concernant le commerce. Ce n'était que des insinuations. Que des insinuations, ils se sont écartés. Khalas. Il a, oh, peut-être qu'il est intéressé. Khalas. Je vois. Subhanallah. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Celui qui craint Allah, on lui donne des issues favorables, on lui donne sa subsistance. Un risque, d'où il ne s'attend pas. Un risque, les savants, ils ont dit quoi? Ce n'est pas que l'argent. Al-zawjatu saliha, risque. Al-mal, risque. Al-ilm, risque. Al-adab, risque. Husnul khuluq, risque. Comme a dit les ulama. Un risque, la subsistance, quand Allah azawjil parle de subsistance, de risque, ce n'est pas que l'argent. Le fait d'avoir une épouse vertueuse, c'est un risque. Le fait d'avoir de la science, c'est un risque. Le fait d'avoir un bon comportement, c'est un risque. Le fait d'être doté de politesse et de sagesse, c'est un risque. Le fait d'avoir de l'argent, c'est un risque. Allah Azza wa Jalla dit, celui qui craint Allah, il lui donne sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Que ce soit une épouse, que ce soit une science, que ce soit des enfants, que ce soit yani, un risque d'où il ne s'attend pas. Et où il donne des issues favorables, il lui donne sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Donc dans tous les cas, ya akhi al-karim, ittaqillah. Et le fait de désobéir au prophète, ça ne fait pas partie de la crainte d'Allah. Donc, crains Allah. Ton frère, il s'est engagé, écarte-toi. Ba'ad. Allah yibarak, Allah yzid leke akhi. Maintenant, on trouve la jalousie, de la haine. Ah, un frère, il a acheté ça. Ah, ce frère, jusqu'à ce que, wal'iyadhu billah, on entende. Et ça, c'est partout ça, maintenant. C'est pas que ici, dans cette ville, ou que dans ce pays, partout. Maintenant, les gens, ils sont curieux, wal'iyadhu billah. Quelqu'un achète quelque chose, il faut qu'il sache combien son frère, il a acheté. À quel moment, combien il veut le vendre. Où il a acheté la chose, où il a... Quelqu'un se marie. Comment il a rencontré la sœur? C'est qui cette sœur-là? C'est qui ses parents? Comment elle est cette sœur? Bientôt presque il va dire combien elle pèse. Est-ce qu'elle est belle ou moche? C'est quoi ça, subhanallah? Ça c'est quoi ce adab? Ton frère il s'est engagé avec une sœur. Ton frère il s'est engagé dans un commerce. Ba'ad ya akhi al-karim. S'il y a du bien, al-khir, Allah Azza wa Jalla va lui donner. S'il n'y a pas de bien et elle est écrite pour toi, tu vas la voir. Que cette femme-là soit une femme pieuse, ou que cet argent-là soit une grosse somme d'argent, ou que cette voiture-là yani, est dans un tel endroit. Yani, si c'est écrit pour toi, ça va être pour toi. Lakin, si lui s'est engagé, écarte-toi. Et Allah Azza wa Jalla, bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala, il te donnera ton risque d'un autre côté. Et toi, tu ne sais pas où il est le bien. Peut-être que tu vas persister avec cette femme-là, alors que cette femme-là va t'apporter que malheur. Et cette femme-là était meilleure pour ce frère-là. Ça ne veut pas dire que quelquefois, il y a des couples qui yani, ne s'entendent pas, que la femme n'est pas pieuse et que l'homme n'est pas pieux, dans tous les cas. Non. Quelquefois, ça colle pas, c'est tout. Quelquefois, ça colle pas. Une femme, quand elle est venue voir le prophète, elle m'a dit, « Ya Rasulallah, je ne reproche rien à mon mari, mais wallah, je le déteste. Je le déteste. » Qu'est-ce qu'il a dit le prophète ? Redonne-lui sa dot, son jardin. Ikhlas. Ça, c'est quoi ? Al-khul'a. Elle rachète sa séparation. Il lui a permis. Ça, c'est des choses que quoi ? Qui ne sont pas, yani, quelquefois, contrôlables. La personne, khlas, elle ne reproche rien. Mais elle a dit quoi ? Regardez, al-ad. Je ne reproche rien à mon mari. Lakin, je crains la mécréance. Al-kufr. C'est pas la mécréance sortir de l'islam. L'ingratitude envers le mari qu'elle a dit. Elle a dit, je crains d'être ingrate. Donc, c'est un signe de piété. Un, elle reconnaît qu'il est bien. Deux, elle dit, je crains. Elle sait, cette femme-là, c'est quoi ? La gravité d'être quoi ? Ingrate envers son mari. Donc elle dit, je crains d'être ingrate, j'arrive pas à contrôler. La relève. Le prophète a dit, ah, pas ce bon. Non, il y a des cas où, khlas, faut avoir al-hikmah. La sagesse. Savoir ce qu'on doit faire de la manière et au moment où on doit faire. Donc ici, quelquefois, tu dois conseiller, khlas. Ici, minimiser les dégâts, c'est par toi de vie. Donc il a accepté. Donc il y a des choses, quelquefois, on contrôle pas. D'accord ? Donc peut-être que cette femme-là, elle n'est pas, yani, un bien pour toi, elle est un bien pour ce frère-là. Donc, alhamdoulilah, fais salat l'istikhara. Si tu vois qu'il y a un bien, il y a un bien. Il n'y a pas de bien, écarte-toi de cette femme-là. Lakin, le fait de vouloir, yani, doubler son frère dans le commerce ou dans un mariage, ça, dans tous les cas, tu vas droit au mur et tu n'auras aucune baraka. Ça, c'est sûr et certain, car le prophète, il l'a interdit clairement dans le hadith rapporté par Muslim. Et c'est ce qu'on voit au jour d'aujourd'hui, malheureusement. Et même si tu es atteint de jalousie, comme on avait dit, il y a deux types de jalousie. Il y a la jalousie aussi naturelle. D'accord ? Quelquefois, tout le monde est atteint de jalousie, quelquefois. D'accord ? Mais le principal, c'est de quoi ? C'est ne pas extérioriser ici cette jalousie. Et al-hasad, c'est quoi ? C'est le de vouloir la disparition d'un bienfait dont notre frère ou notre sœur a été touché. C'est ça la jalousie. C'est-à-dire tu vois un bienfait qui a touché ton frère ou ta sœur, toi tu veux que ce bienfait disparaisse. Ça c'est la jalousie. Si tu ressens ça un jour dans ton cœur, envers n'importe qui, une personne à qui Allah a donné une science, une personne à qui Allah a donné de l'argent, une personne à qui Allah a donné, yani, a ouvert les portes, tu as cette jalousie, khalas, ne t'inquiète pas. Laisse simplement mourir cette jalousie dans ton cœur. Invoque Allah Azza wa Jal pour qu'il chasse cette jalousie de ton cœur et invoque Allah Azza wa Jal pour ce frère, pour écraser ton nafs. Tu ressens cette jalousie, ton frère il a de l'argent, mashallah, la basse, allez, fais du'a pour lui. Alhamdulillah. Et quand tu fais du'a pour lui, comme le prophète a dit dans le Sahih, al-malaïka, ils disent, et pour toi aussi. Ils font une invocation pour toi aussi. Ce que tu demandes pour ton frère, eux, les anges, ils te demandent pour toi aussi. Subhanallah. Toi, tu demandes pour ton frère, le malaïka, ils demandent pour toi cette chose-là. Et tu vas écraser ton nefs, et inshallah, ta'ala, cette chose va partir. Amma, quand le fait, tu jalouses ton frère, et tu commences à le jalouser avec haine, obligatoirement, tu vas le taper avec un missile. Al-Ain. Al-Ain ou Haq, comme a dit Al-Islam, fait Sahih Muslim. Et l'œil, le mauvais œil, est une vérité, comme le prophète Al-Islam a dit dans Sahih Muslim. Tu risquerais de le taper avec l'œil. Dis, Masha'Allah, Tabarakallah, ou bien Bismillah, Masha'Allah, Masha'Allah, la quwata illa billah, Tabarakallah, khlas. Fais du'a pour lui et passe à autre chose. Ça, c'est quelquefois naturel, mais il faut écraser son nefs. Et surtout pas extérioriser. C'est-à-dire d'être dégoûté qu'il a avec la parole, commencer à médire ce frère parce qu'il est touché d'un bienfait ou autre. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Wal'iyadu billah. Hada huwa binisba, yani, le mariage du prophète alayhi salatu wassalam avec ici la fille de Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu arda. Je voulais souligner ici quelques points concernant ce mariage-là parce qu'il y avait quelques morales à prendre. Et j'espère qu'ils seront bénéfiques pour moi et pour vous. Et ici, je ne veux pas m'engager dans la bataille de Uhud parce que je préfère la résumer dans un seul cours. Donc la semaine prochaine, inshallah ta'ala, on parlera de la bataille Ghazwatu Uhud bi'idnillahi tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Wa sallillahumma wa sallim wa zidu barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa jazakum.